إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc alhamdoulilah, aujourd'hui on commence le cours 90 dans l'explication du livre Kitab al-Tawhid avec le charh de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on commence aujourd'hui le chapitre 32, Al-Bab al-Thani wa-Thalathoun. Et le titre de ce chapitre aujourd'hui c'est ce Al-Khawf, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh dit Babun, Qawlullah ta'ala, إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. C'est-à-dire le chapitre de la au sujet de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 175 dans sourate Al-Imran, c'est uniquement le shaitan qui cherche à vous faire peur avec ses alliés ou par ses alliés, mais ne les craignez pas, donc ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes réellement des croyants, si vous êtes des croyants. Le cheikh nous dit à ce sujet au sujet de ce verset, هذا باب عقده الشيخ رحمه الله في موضوع الخوف والخوف من الله واحد وهو والخوف من الله هو أحد ركائز العقيدة العبادة أحد ركائز العبادة كما سبق أن المحبة والخوف والرجاء أعظم أنواع العبادة وهي أعمال قلبية فلما ذكر المحبة في الباب السابق ذكر في هذا الباب الخوف ليدل على أن المحبة لا تكفي وحدها لأن التعبد بالمحبة وحدها منهج الصوفية الضلال أما منهج الرسل وأتباعهم فإنه ينبني على المحبة والخوف والرجاء محبة الله سبحانه وتعالى مع خوفه ينبني على المحبة والخوف والرجاء محبة الله سبحانه وتعالى مع خوفه ورجائه وغير ذلك من أعمال القلوب كالتوكل والرغبة والرهبة والخشية كل هذه الأنواع أو كل هذه من أعمال القلوب وهي عبادات عظيمة. Donc le cheikh il commence en disant que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a écrit ce chapitre au sujet de la crainte, c'est-à-dire la crainte d'Allah. Et la crainte c'est un des points centrales de l'adoration. Et on a déjà expliqué dans le chapitre précédent que l'amour, la crainte et l'espoir sont parmi les plus grandes formes d'adoration et que ce sont des adorations du cœur. Et donc, lorsque le cheikh a mentionné l'amour dans le chapitre précédent, et que c'était au sujet de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, dans ce chapitre maintenant, le cheikh il a décidé de faire la suite de ce sujet-là en mentionnant la crainte. Pour expliquer que l'amour à elle tout seul, elle ne suffit pas. Il faut, pour que l'adoration soit complète et correcte, et bien établie, qu'elle soit basée non seulement sur l'amour, mais également sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur l'espoir. Et on a expliqué que d'adorer Allah uniquement par l'amour, c'est la voie ou l'exemple, la voie que suivent les soufis qui sont égarés. Tandis que la voie des prophètes et de ceux qui ont suivi les messagers d'Allah, elle se base non seulement sur l'amour, mais également sur la crainte et sur l'espoir. Donc, l'amour d'Allah, avec la crainte d'Allah et avec l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi que les autres actions et les autres adorations du cœur, comme par exemple at-tawakkul, le fait de mettre notre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raghba, avoir l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, ar-raghba wal-khashya, la peur, la crainte, toutes ces adorations-là et ces actions-là sont des actions du cœur et elles font partie de l'adoration et ce sont des grandes adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant le cheikh il continue, il dit وَالْخَوْفُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعُ النَّوْعُ الْأَوَّلْ خَوْفُ السِّرْ وَهُوَ الْخَوْفُ الَّذِي يَكُونُ مَعَهُ عِبَادَةً لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ تَرْكٌ لِمَا أَوْجَبَ اللَّهِ وَمَعْنَاهُ أَنْ يَخَافَ الْإِنسَانِ من غير الله من الأصنام والأوثان وما عبد من دون الله من القبور والأضرحة أو يخاف الشياطين والجن ويتقرب إليهم بما يحبون من الشرك بالله من أجل أن يسلم من شرهم فهذا شرك أكبر يخرج من الملة والله سبحانه وتعالى ذكر عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لا أخاف ما تشرك ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا ثم قال بعد ذلك وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كأنهم توعدوه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كأنهم توعدوه بآلهتهم ومعبوداتهم أن تصيبه فهذا رد عليهم كيف يخافون من الله كيف لا تخافون من الله وأنتم تهددونني بأن أخاف من معبوداتكم التي لا تغني عني شيئا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون هل هو أنا الذي أعبد الله وحده لا شريك له أو أنتم الذين أشركتم. Donc le cheikh il commence en expliquant que la crainte, elle est de trois catégories. La première catégorie, c'est la crainte qui est cachée, ou la crainte secrète, ou la crainte de ce qui est mystérieux, ou la crainte de ce qui est caché plutôt. Et khawf al-sirr, le secret, la crainte secrète, ça c'est peut-être la meilleure traduction. Et qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir une crainte de quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de craindre quelque chose, et dans cette crainte, il y a une adoration pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je crains autre que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi par exemple les idoles, ou bien tu crains quelque chose au point où tu vas délaisser ou abandonner ce que Allah t'a ordonné, par crainte des créatures, ou par crainte d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il l'explique, il dit comme par exemple un être humain qui crée autre qu'Allah comme les idoles, comme ce qui est adoré par les êtres humains. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les tombes, comme les mausolées, les sanctuaires, les autres choses que les hommes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un qui crée les diables, les djinns, ou qui crée les saints, soi-disant les awliyas, ce qu'ils appellent les hommes, les morts qui sont enterrés dans leur tombe, certains croient qu'ils ont des pouvoirs ou des trucs de ce genre, eh ben, ils vont avoir peur d'eux. Hein, ou bien, par exemple, des gens qui craignent les sorciers ou des trucs de ce genre, hein. Et quelqu'un qui craint les djinns, hein, ou qui, allez, il se rapproche des djinns, en faisant pour eux ce que les djinns aiment, ou ce que les shayatins aiment, comme des actes de shirk ou des choses de shirk, pour essayer de se protéger contre le mal qu'ils pourraient leur faire. Hein. Quelqu'un a peur des diables, des shayatins, et donc pour essayer de se protéger du mal qu'il pourrait leur arriver, de la part de ces diables-là, il leur offre des actes d'adoration pour essayer de les apaiser. Hein, comme il leur sacrifie, il leur fait des sacrifices ou des trucs de ce genre, ah ben ça c'est des exemples de shirk et de crainte d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk il explique que ça c'est une forme de shirk majeur, de shirk akbar qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a mentionné à propos de Ibrahim al-Khalil, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a dit à son sujet, il mentionne les paroles d'Ibrahim lorsqu'il dit aux mouchriquins, je ne crains pas ce que vous associez à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, je ne crains pas que ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala me fasse un mal. Excepté si Allah a voulu. Hein, excepté si Allah a voulu que quelque chose m'atteigne. Hein. Puis ensuite, juste après ça, Ibrahim, il dit aux mouchriquins, et comment moi je craindrais ce que vous associez avec Allah parmi les idoles, alors que vous ne craignez pas d'avoir associé quelque chose avec Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah vous associez à Allah quelque chose dont Allah n'a donné aucune autorité et aucune preuve à son sujet. C'est-à-dire, vous associez des idoles avec Allah subhanahu wa ta'ala et vous n'avez pas peur de faire ça, alors que vous voulez que moi j'ai peur de ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, c'est comme si, Ibrahim est en train de dire aux mushrikins à propos de leurs idoles, parce que, en fait, ils essaient, les mushrikins, de faire peur à Ibrahim. Les mushrikins essaient de faire peur à Ibrahim en disant, nos idoles vont te frapper d'un mal, parce que tu parles contre nos idoles et tu dis des choses contre nos idoles, donc nos idoles vont te faire du mal et ils vont te frapper par un mal. Alors, lui, Ibrahim, il est en train de leur répondre et de leur dire, comment vous n'avez pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que c'est le maître de toutes choses, c'est lui le tout puissant, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui peut te faire un bien ou t'éloigner un mal, hein. Et vous me menacez, hein, pour me faire peur avec vos idoles, alors que vos idoles ne peuvent rien faire, elles n'ont aucun pouvoir, elles ne peuvent même pas vous profiter en quoi que ce soit. Donc, comment moi j'aurais peur de vos idoles alors que vous n'avez pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ou bien dans le verset, ça dit, lequel des deux groupes mérite le plus ou a le plus le mérite d'être en sécurité, si vous savez vraiment, hein? Lequel de ces deux groupes-là, les mouchriquins ou Ibrahim, mérite plus d'être en sécurité et en paix? فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Ça c'est le verset 81 dans Surat Al-An'am. Et le cheikh il explique ce verset-là, il dit هَلْ هُوَ أَنَا. Est-ce que c'est moi qui adore Allah seul, sans aucun partenaire, aucun associé? Est-ce que c'est moi qui dois avoir peur? Ou bien vous qui êtes en train de faire le shirk, qui est le plus grand parmi tous les péchés, hein? Donc le shaykh dit, ثم ذكر الله الحكم في ذلك فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والظلم معناه هنا الشرك. فبين أن الأمن إنما يحصل لأهل التوحيد، أما المشركون فليس لهم أمن وليس لهم إلا العذاب. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a tranché entre ces deux groupes là dans son livre par la suite, juste dans le verset qui suit, il a tranché entre les deux et il a expliqué et il a dit ceux qui ont cru et qui n'ont pas couvert leur foi d'injustice, hein, ceux-là sont ceux qui ont la sécurité et ce sont ceux qui sont bien guidés. Et le cheikh explique par la suite que l'injustice dans ce verset-là, al-zulm, signifie al-shirk, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il clarifie que la vraie sécurité, la vraie paix, hein, elle arrive uniquement aux gens qui sont sur le tawhid. Tandis que ceux qui sont dans le shirk, les mushrikoun, ils n'ont aucune sécurité. Et ils n'auront rien d'autre que le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà le jugement et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette question-là. C'est que la personne qui est sur le shirk, il est dans les problèmes, hein. Il est dans les ennuis, en fait. Qu'il le sache ou qu'il le sache pas, qu'il s'en rende compte ou qu'il ne s'en rende pas compte, dans ce monde, parfois dans cette vie, les gens qui font le shirk, ils s'imaginent qu'ils sont en sécurité. Mais cette sécurité-là, elle est une sécurité temporaire, éphémère, parce que la réalité, c'est que cette sécurité-là, elle n'existe pas en réalité. Ils croient qu'ils sont en sécurité, alors que Allah subhanahu wa ta'ala peut les frapper à n'importe quel moment, à n'importe quel instant, par une punition de sa part. Soit dans cette vie, et s'il ne les punit pas dans cette vie, eh bien ce sera dans l'autre vie. Tandis que les gens qui sont sur le tawhid, alhamdulillah, les gens qui sont sur le tawhid, même si on essaie de leur, même si les koufars et les mouchriquins essaient de leur faire peur, mais ils n'ont aucune peur, aucune raison d'avoir peur, en fait, parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne la sécurité dans ce monde et dans l'autre. Parce que celui qui est en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, peu importe qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans ce monde, il n'a rien à craindre. Parce qu'il sait que sa destination et la conclusion qu'il atteint sera bonne. Hein, Inch'Allah, et qu'il aura la récompense de son Seigneur et qu'il est en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui n'est pas en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui est en paix avec les êtres humains et les créatures, hein, et qui, eh ben lui, même s'il semble être en paix avec les créatures dans cette dunya, et qu'il semble être en harmonie avec les gens qui sont contre la vérité dans cette dunya, eh ben, il est, étant donné qu'il est en guerre ou en mauvais terme avec Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a aucune sécurité, ni dans cette vie, et dans l'autre vie, c'est pire encore. Le cheikh, il dit, كما ذكر الله عن نبيه هود أن قومه قالوا إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء يخوفون هودا لما دعا إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام يخوفونه بالأصنام أن تصيبه ويهددونه بها إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون هذا نجد من قوم أو من فرد هذا تحد من فرد واحد يتحدى أمة كاملة هذا من معجزات وهذا من المعجزات لشيخ الزي Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne au sujet de son prophète Hud, quand il a parlé à son peuple, l'exemple de Hud. Il dit, les mouchékouns ont essayé de lui faire peur, ils ont dit que c'est nos idoles qui vont te frapper d'un mal. Hein? C'est uniquement nos idoles qui vont te frapper d'un mal, ou de quelque chose de mal qui va t'atteindre à cause de nos idoles. Ils essaient de faire peur à Hud. Parce que Hud a appelé les gens au tawhid et il leur a ordonné d'abandonner l'idolâtrie et l'adoration des idoles. Et donc, ils essaient de lui faire peur par leurs idoles en disant que leurs idoles va faire qu'un mal va l'atteindre, hein, vont le toucher par le mal. Et ils essaient de le menacer par ça. Et Hud, il a répondu à ça. Il a dit, Hud, je prends Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin. Et soyez témoin que je suis innocent et que je me désavoue de ce que vous associez avec Allah subhanahu wa ta'ala en dehors de lui. Alors, mettez-vous tous ensemble contre moi pour ruser contre moi et n'attendez pas. Hein? Et n'attendez pas. C'est-à-dire, ne me ménagez pas. Essayez de faire tout ce que vous pouvez contre moi. Mettez-vous tous ensemble et faites vos ruses et essayez de faire qu'est-ce que vous pouvez. Hein? Et le cheikh il dit, ça c'est le verset 54 et 55 dans Surat Hud. Le cheikh il dit, ça c'est un challenge, un défi, hein, que Hud lance. Et Hud c'est un individu tout seul, hein, qui fait un défi, qui lance un défi à une nation complète, à lui seul. Et le cheikh dit, ça fait partie des miracles. Ça fait partie des miracles. Et même qu'il y a des ulama qui ont dit que ça, c'est un des plus grands miracles. Un homme qui est tout seul, qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de support, qui n'a pas de défense, et qui menace un peuple entier. Hein? Donc, le cheikh dit, « Thumma, qal inni tawakkaltu ala Allahi rabbi, wa rabbikum, ala rabbi wa rabbikum, ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Ça c'est le verset 56 qui suit. Ensuite, Hud il a dit quoi? Il a dit, je mets ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. mon maître et votre maître, et il n'y a pas une bête ou un animal sur la terre ou une bête vivante, excepté que Allah va la prendre par son toupet, et mon maître, mon Seigneur est sur le droit chemin. Ça c'est le verset 56 dans Surat Hud, et sur un droit chemin. Donc, أعلن البراءة منها وتحداها وتحدى جميع الأمة التي تعبدها وتكيد أن تكيد أن تكيده وأن تصل وأن تصل إليه بسوء فلا يستطيعون. ثم علل ذلك بقوله إني توكلت على الله ربي وربكم. Donc le cheikh il dit, donc il sait, il s'est ouvertement désavoué de ces idoles-là, et il les a défiées, ces idoles, et il a défié tout le monde dans la nation qui, les a, qui était en train de les adorer, ces idoles, de s'unir pour faire une ruse contre lui, et d'essayer de le frapper d'un mal ou d'arriver à de lui faire un mal quelconque, et ils n'ont pas été capables. Et puis ils ont utilisé comme comme explication, c'est-à-dire il a essayé, il a clarifié ça, ou il a justifié ça, en disant qu'il n'avait pas peur d'eux, parce qu'il met sa confiance en Allah, son Seigneur et leur Seigneur, hein, son maître et leur maître. Donc ça c'est important de comprendre que quand quelqu'un comme le prophète Hud, ou n'importe quel autre prophète, parmi les prophètes d'Allah, ou bien un da'ya ou un alim, quelqu'un qui appelle les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il fait sa da'wa, il met sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne doit pas avoir peur ou avoir la crainte des gens qui essaient de s'opposer à la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cette da'wa, c'est Allah qui la protège, c'est Allah qui la défend, d'accord. Le cheikh il dit ensuite, « وَكَذَلِكَ الْمُشْرِكُونَ » قالوا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الله عنهم بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فالمشركون يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم بمعبوداتهم من دون الله, فرد الله عليهم بقوله أليس الله بكاف عبده. Donc le cheikh il dit, les mushrikoun, ils ont dit à notre prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم ce que Allah a mentionné à leur sujet dans sa parole, quand il dit, n'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala suffit à son serviteur, et ils essaient de te faire peur avec ceux qu'ils adorent en dehors de lui. Ça c'est le verset 36 dans Surat Az-Zumar. Donc les mushrikoun essaient de faire peur au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par les idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en disant, n'est-ce pas qu'Allah est suffisant pour son serviteur, hein. Donc, même si tu es tout seul, tu n'as pas d'armée, hein, Allah il est avec toi et il te suffit, d'accord. Donc c'est comme si par exemple, les kuffar, tu vas aux kuffar, aux mushrikin et aux munafiqin et aux ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es tout seul. Et tu les appelles à la vérité, et tu leur dis la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et eux ils sont nombreux, et ils disent, mais t'es tout seul, tu penses que tu vas être capable d'avoir le dessus sur nous. Mais ils oublient que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec toi, et si Allah est avec toi, il te suffit, hein, et il peut s'occuper d'eux à lui tout seul. Donc le cheikh il dit, فهذا النوع من الخوف يسمى خوف السر. Cette sorte de crainte-là, des idoles, et la crainte des shayatines, des kuffars et tout, ça fait partie de cette catégorie de crainte qu'on appelle khawf al-sir, c'est-à-dire la peur secrète. Et il dit, huwa khawf al-ibadah, bi-an yakhaf min al-ma'budat allati tu'badu min dunillah azza wa jal. Fal-mu'min la yakhaf hadhih al-ma'budat abadan. لا يخاف من الأصنام, لا يخاف من القبور ولا الأضرحة التي تعبد من دون الله, لا يخاف من الشياطين والجن أن تصيبه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك الخوف من كل مخلوق أو أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى, من الإصابة بالمرض أو قطع الرزق أو غير ذلك. وهذا أحد أنواع الشرك الأكبر. Le Cheikh il dit donc que ça c'est une catégorie de crainte qu'on appelle la crainte secrète, et c'est une crainte d'adoration, dans le sens que tu crées des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant, il ne doit pas craindre ces choses-là qui sont adorées en dehors d'Allah, c'est-à-dire il ne doit jamais avoir aucune crainte pour ces choses-là. Il ne craint pas les idoles, il ne craint pas les tombes, il ne craint pas les mausolées, hein, qui sont adorés en dehors d'Allah. Il ne craint pas les diables et les djinns, hein. Il ne craint pas que les diables et les djinns lui fassent un mal quelconque, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la crainte de toute créature, c'est-à-dire, de même que tu ne dois pas craindre les créatures que ces créatures-là, par exemple, te fassent un mal quelconque, بِمَا لَا يَقْدُرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهِ, dans les choses que seul Allah est capable de c'est-à-dire tu ne crains pas d'une créature qu'elle t'atteigne de quelque chose que seul Allah est capable de contrôler ou de faire en sorte que ça t'atteigne, dans le sens que tu ne crains pas que quelque chose puisse te frapper d'une maladie quand tu sais que c'est seulement Allah qui a prédestiné la maladie et qui peut faire en sorte que cette maladie-là te touche ou non, tu vois. Donc tu dois pas craindre qu'une créature te frappe d'une maladie, ou bien te coupe ta subsistance, ou bien des choses de ce genre que seul Allah contrôle. Tu dois pas avoir peur d'une créature dans ces choses-là. De même que le Cheikh il dit que ça c'est une catégorie parmi les catégories de Shirk Akbar, d'avoir peur de ces idoles-là et d'avoir peur de ces choses-là, hein, dans ce genre de choses. Donc le Cheikh dit والآن عباد القبور يهددون الناس بهذه الأضرحة ويقولون الولي الفلاني يصيب من لم يخضع له ويعبده ويصيبه في نفسه أو في ولده, ثم الجهال ينخدعون بهذا التخويف ويتقربون إلى هذه القبور وهذه الأضرحة بما يطلب منهم, وغرض عباد القبور والسندة أكل أموال الناس بالباطل, يهددون الناس إذا لم ينظروا لهم لهذه القبور ولم يقربوا لها شيئا من الأموال بأنها تصيبهم أو تصيب زروعهم أو تصيب حروفهم أو أموال أو أولادهم, ثم الجهال يتقربون إلى هذه الأضرحة بأموالهم ثم يأخذها هؤلاء السندة وهؤلاء القائمون على هذه الأوثان ويقتسمون هذه الأموال, فالشر باق من قديم الزمان إلى آخر الزمان, وطريقة المشركين واحدة. Donc le Cheikh explique ici un point intéressant et important. Il dit qu'aujourd'hui les gens qui adorent les tombes et qui adorent les morts, ils essaient de faire peur et de menacer les gens par ces tombes-là. Hein? Et donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que tel wali ou tel saint, si on se soumet pas à lui, il va, et si on l'adore pas, il va nous frapper d'un mal quelconque, soit en nous-mêmes ou en nos enfants. Et les ignorants se laissent tromper par cette façon qu'ils ont d'essayer de nous faire peur. Hein? Ils essaient de nous faire peur et les ignorants se laissent influencer ou se laissent impressionner par ça, et donc ils se soumettent à ce que ces diables-là prétendent. Donc ils offrent aux tombes des formes d'adoration, hein? Ils se laissent épeurer par ce que ces gens-là disent, et donc ils offrent à ces tombes et à ces awliyas, soi-disant, des actes d'adoration. Et ils essaient de se rapprocher à elles. Le Cheikh il dit, et le but de ces gens-là qui adorent les tombes, et de ces descendants de ces soi-disant awliyas, qu'on appelle As-Sanada, c'est ceux qui s'occupent des mausolées, et des sanctuaires ou des endroits qui ont été établis au-dessus des tombes de ces hommes-là, ils s'occupent de ces endroits-là, et donc c'est eux qui reçoivent l'argent qu'on donne, hein, qui prennent l'argent qu'on donne aux saints, ou qu'on offre aux saints, ou les offrandes qui sont données en sacrifice, c'est eux qui s'en occupent. Donc, ils mangent la nourriture, et ils mangent les biens des gens de façon injuste et de façon fausse, hein. Et ils menacent les gens que si vous ne venez pas faire vos serments et vos vœux à telle tombe, et si vous n'offrez pas en offrande quelque chose à ce saint, il va y avoir un malin qui va vous atteindre, et vous allez être frappé de telle ou telle chose, dans le sens que soit un mal va vous tomber dans votre récolte, dans vos champs, ou bien dans vos enfants. Et donc les ignorants, eux, ils ont peur, et ils offrent des actes d'adoration pour se rapprocher de ces mausolées et de ces tombes et de ces morts, hein, de cette façon-là, avec leurs biens. Hein. Et donc, par la suite, qui est-ce qui les prend? Qui est-ce qui prend cet argent? C'est les gens qui sont les descendants de cette personne qui est enterrée là, ou bien les gens qui s'occupent de cette place-là, eux, ils prennent cet argent-là, et puis ils en profitent pour eux. Hein. Et donc, ceux qui s'occupent donc de ces idoles-là, et qui, c'est eux qui prennent l'argent et qui la divisent entre eux. Et donc le mal, il a toujours existé, et il existe encore, et il va exister jusqu'à la fin des temps. Et la voie des mouchriquim, elle est une seule et même voie. Peu importe, même si elle est différente d'une époque à l'autre dans certains aspects, mais elle reste toujours à la base une seule et même exemple. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit ? Amma ahlul iman, fa innahum la yakhafuna illa Allah. لأنه هو الذي يملك النفع والضر وهو الذي بيده الأمور وأنه لا يصيب المؤمن إلا ما قدره الله له قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون لشيخ الذكر لهذا الأقوى إن كان personne excepté الله سبحانه وتعالى. Pourquoi? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détient la capacité de te faire un bien ou de te faire un mal. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a tout entre ses mains, celui qui contrôle toutes les choses entre ses mains, toutes les affaires entre ses mains. Hein, c'est lui qui détient tout en sa main. Donc il a le contrôle sur tout. Donc tu dois mettre ta confiance en lui et avoir peur de lui seul, parce que rien ne peut atteindre le croyant excepté ce que Allah a prédestiné pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 51 dans sourate At-Tawba, dit, hein, au Muhammad, dit aux gens que rien ne va nous atteindre excepté ce que Allah nous a écrit. Et il est notre maître, et c'est en Allah que le croyant doit mettre sa confiance. Donc ça veut dire, là il n'y a rien qui va nous atteindre excepté ce que Allah a écrit. Donc il ne faut pas avoir peur des créatures. Le cheikh il dit deuxièmement, la deuxième catégorie de crainte, c'est أن يترك الإنسان ما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس أن يأذوه أو يضايقوه أو يعذبوه فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وبيان الحق خوفا من الناس فهذا الشرك الأصغر وهو محرم وقد جاء في الحديث إن الله يحاسب العبد يوم القيامة لما لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول يا رب خشيت الناس فيقول إياي أحق أن تخشى ونعني بذلك القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقادر على الدعوة إلى الله أما الذي لا يقدر أو ليس عنده استطاعة فهذا معذور. Donc le cheikh il donne comme exemple qu'il vit à une deuxième catégorie de crainte qui est une crainte blâmable. Hein, parmi les formes de crainte qui sont blâmables, qui sont incorrectes, au contraire à l'islam, il y a cette crainte qui est le fait qu'un être humain ou un individu abandonne ce que Allah lui ordonne de faire, parmi les exemples de da'wah et d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal, par crainte des hommes. Tu cesses d'appeler les gens à l'islam et de clarifier la vérité aux gens et d'ordonner le bien et d'interdire le mal parce que tu as peur des gens. Tu as peur ce que les gens vont te faire parmi les kuffars et les munafiqin et les mubtadi'a et les gens qui veulent pas la vérité. Donc tu as peur qu'ils te fassent du mal ou qu'ils te rendent les choses difficiles ou qu'ils te torturent ou qu'ils te fassent qu'ils te punissent, hein. Donc tu abandonnes la da'wah. T'abandonnes le fait d'ordonner le bien et le fait d'interdire le mal. T'abandonnes le fait de clarifier la vérité pour les gens parce que t'as peur des gens. Il dit le cheikh que ça c'est une forme de shirk mineur et que c'est haram. Ça c'est une forme de shirk mineur et c'est haram. Hein? Le cheikh il dit par la suite, et on a mentionné dans un hadith, c'est mentionné dans un hadith, il n'a pas mentionné l'origine du hadith, ni si c'est authentique ou non, il a, Cheikh Saleh Al-Fawzan, il n'a pas mentionné, il a juste dit, et ça a été mentionné dans le hadith, que Allah va juger les hommes au jugement dernier, ou va juger un serviteur au jugement dernier. Et il va lui demander pourquoi tu as pardonné le bien et t'as pas interdit le mal. Et la personne va répondre, oh Allah, j'avais peur des hommes. Et il va répondre, Allah va répondre, c'est moi je mérite plus d'être craint que eux. Alors le cheikh dit, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On parle de la personne qui a la capacité d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et qui est capable de faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ne la fait pas, et qui l'abandonne parce qu'il a peur des gens. Toutefois, la personne qui ne peut pas la faire et qui n'est pas capable de la faire, celui-là il est excusé, parce qu'il n'est pas capable, il n'a pas les moyens, il n'est pas capable. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Et ça, il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Des fois, les gens veulent appeler à l'islam, clarifier des certains points de l'islam, et puis ils commencent à dire, ah non, on a peur des médias, on a peur des problèmes, on veut pas avoir des ennuis, hein. Ou bien, non, si on explique ces choses-là de l'islam, ça va nous ramener des problèmes, ils vont fermer la mosquée. Ou vont brûler la mosquée, ou des trucs de ce genre. Donc ça, c'est des exemples de gens qui ont peur de qu'est-ce qui pourrait leur atteindre par rapport au fait que tu enseignes ou que tu expliques l'islam. Mais le pire parfois, c'est que c'est même pas justifié, dans le sens que c'est basé sur des fausses craintes, des craintes illusoires parfois. Parce qu'il n'y a rien qui prouve ou qui montre que, par exemple, on va fermer la mosquée. Il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y a rien non plus qui prouve que, se disant, on va avoir des problèmes réellement. Mais c'est juste que les koufars et les mouchriquins, ils détestent la vérité. Et ils veulent tout faire pour que la vérité ne soit pas entendue et ne soit pas connue des gens. Et donc, ils vont faire du bruit. Ils vont chercher des moyens pour te salir, pour chercher à salir ta réputation, pour chercher à te donner une mauvaise image devant les musulmans, devant les non-musulmans. Et puis toi, ton devoir, c'est de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas craindre les menaces et les attaques et les intimidations de ces gens-là, et de mettre ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est certain que Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner le support et la victoire sur les ennemis à l'intérieur de la communauté et à l'extérieur de la communauté. Mais de prendre une position de peur et de crainte, et de dire que on a le choix entre deux mâles, et on choisit le moindre des deux, c'est-à-dire le choix de soi-disant de cesser d'expliquer aux gens certains aspects de l'islam pour éviter de perdre la mosquée, ou d'éviter d'expliquer certaines choses, disons, de certaines façons de perdre la mosquée, soi-disant, comme certains disent. Eh ben, il faut choisir le moins grave des deux, ou le moins grand problème des deux, et on choisit que c'est celui-là qui va s'en aller. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe en réalité quand on observe ça, hein? C'est comme quelqu'un m'a appelé aujourd'hui justement pour me dire certaines choses à ce sujet-là, et la personne me disait, dans les pays musulmans, dans certains pays musulmans, c'est comme ça que ça se passe. c'est les personnes âgées qui viennent à la mosquée, et puis ils prient, puis ils retournent chez eux, puis on parle de certains sujets qui sont importants et qui sont fondamentaux, c'est vrai, mais on veut jamais attaquer ou parler des points qui sont vraiment sensibles et qui sont vraiment fondamentaux par rapport à notre aqida, par rapport à notre manhaj, par rapport à notre compréhension correcte de l'islam. Parce que on vit dans une société actuellement où dans les journaux, dans la télévision, dans la radio, des musulmans, soi-disant musulmans, des munafiqin, des kuffars sont en train de dire des choses et d'inviter et d'appeler les musulmans à des choses qui sont en opposition directe avec les fondements même de l'islam, et à des idéologies qui sont contraires à la religion musulmane, et essayer de faire croire aux musulmans que ces choses-là sont bonnes et correctes, comme par exemple la laïcité. Il y a des islamistes qui disent aux musulmans que la laïcité c'est islamique, ou bien que la démocratie c'est islamique, ou bien que ces principes-là d'égalité et de liberté c'est islamique. Alors, ça se fait en français. L'émission de radio, là, c'est un Libanais chrétien, un Égyptien chrétien, tu vois, Rachid Antonius. Eh ben lui, il se fait inviter par des musulmans, des fois, pour faire des conférences. Hein? Et lui, il dit clairement aux musulmans, il faut laisser tomber la charia, il faut adapter la charia, faire une nouvelle lecture de l'islam, pour que ça soit en accord avec la démocratie, etc., etc. Puis il y a des musulmans qui les invitent. Mais qu'est-ce qui est déroutant, c'est de voir qu'en opposition à ça, il n'y a personne qui réfute ces principes, ces paroles-là de façon claire et nette, avec les preuves et les explications en langue française pour ceux qui ne connaissent pas la langue arabe. On ne peut pas juste rester dans un pays non musulman, où la majorité de la population parle et s'exprime en français, où la majorité des jeunes musulmans qui sont nés ici ne comprennent pas la langue du Coran, ne comprennent pas la langue des hadiths, hein, même s'ils sont d'origine de pays arabes, mais ils n'ont pas étudié l'arabe, ils ne sont pas capables de la comprendre, et il n'y a rien qui leur est offert et donné dans la langue qu'ils connaissent pour connaître les principes de leur religion. Donc, tu entends toutes les choses qui sont fausses et mensongères, et il n'y a personne qui clarifie la vérité à ce sujet-là. Et ça, c'est la honte. Et donc, c'est pour ça que là, maintenant, il y en a qui disent non, il faut parler de wudu. Il faut expliquer aux musulmans comment faire le wudu parce qu'ils ne savent pas comment faire le wudu. Il faut expliquer aux musulmans comment faire la salade parce qu'ils ne savent pas faire la salade. Parle-leur pas de démocratie, de laïcité, puis de ces trucs-là. Ils ne savent même pas faire le wudu, ils ne savent même pas faire la salade. Oui, mais qu'est-ce que ça sert pour eux? De faire comment faire le wudu ou faire la salade, hein, s'ils ne connaissent pas la différence entre l'islam et la laïcité, s'ils ne connaissent pas la différence entre le kufr et l'iman, et entre le shirk et le tawhid. La base de l'islam, c'est le tawhid, c'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et ces principes-là sont en opposition avec ce fondement-là de l'islam, qui est la base même de l'islam, le premier des piliers de l'islam. Donc toi, tu dis, enseigne ces choses-là aux gens. Oui. De toute façon, on le fait, on l'a enseigné aux gens comment faire la salat. Et si c'est la question de comment faire la salat ou comment faire le wudu, il y a n'importe quel parmi les musulmans qui ont appris comment faire le wudu et comment faire la salat qui sont capables de l'expliquer aux autres et de l'expliquer à quelqu'un lorsqu'il en a besoin. Mais ces questions-là qui sont plus détaillées, plus approfondies, qui ont besoin de plus d'explications, plus de clarifications, ces choses-là, il n'y a personne qui les explique. Hein? Peut-être même en arabe, il y en a qui connaissent même pas les textes qui réfutent ces idées-là. Alors imaginez en français. Eh ben, on veut que soi-disant quelqu'un ne parle pas de ces choses-là, puis qu'il se taise parce que soi-disant ça va faire de la fitna, ça va créer des problèmes, soi-disant. Alors que c'est faux. Si ça crée des problèmes, c'est parce que ça crée des problèmes à ceux qui sont pas d'accord avec l'islam. Et s'il faut qu'il y ait, disons, un conflit, dans le sens que quelqu'un va pas être d'accord avec nous, parce que nous on veut clarifier cette vérité-là, c'est normal. Il y a eu des prophètes qui ont dit à leur peuple, d'adorer Allah seul et d'abandonner le shirk et le kufr et les idoles, et ça a créé des conflits entre eux et les prophètes, entre les prophètes et leur peuple, et il y a eu toujours des difficultés entre les deux, et c'est ça les épreuves qui nous atteignent. Et il ne faut pas baisser les bras et dire, non, écoutez, depuis 14 ans, on a notre mosquée, on n'a jamais eu de problème, et depuis que toi t'es là, il ne nous lâche plus. Mais il faut se poser la question, pourquoi il ne nous lâche plus depuis 2 ans? Est-ce qu'on appelle à un nouvel islam, ou bien qu'est-ce que vous appeliez avant? C'est la même chose que moi j'explique. Comment ça se fait tout d'un coup, il s'attaque, il s'acharne sur moi, et pas sur vous? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Posez-vous la question, pourquoi il s'acharne sur moi? Hein? Et là vous allez voir peut-être que la raison, c'est que justement peut-être qu'ils ne veulent pas que les gens sachent le message de l'islam clairement, hein, et qu'ils veulent, et que ça les dérange, hein, parce qu'il y en a qui viennent ici au Canada, c'est juste pour remplir leur poche, ou bien pour quelque chose de la dunya, et puis ils veulent pas aller plus loin que ça pour expliquer aux musulmans leur religion, et aux non-musulmans, ils veulent pas qu'ils se convertissent, et si les non-musulmans se convertissent, ils veulent les garder dans un petit modèle de moule que eux ils ont décidé pour les limiter à leur compréhension de l'islam, pas que ces convertis-là puissent réellement avoir une compréhension globale et complète et basée sur des principes et des fondements clairs de l'islam. Hein, ils veulent garder les convertis et les musulmans dans l'ignorance, ou mieux les contrôler et les amener à suivre leur mode, leur méthode et leur système et leur programme à eux. Exactement. C'est comme le frère dit, tu vas aller dans toutes les mosquées à Montréal, qu'est-ce que tu vas trouver? Partout c'est pareil. La mosquée qui se dit salafi, si elle ne se distingue pas par rapport à sa da'wah, par rapport à sa façon d'expliquer, par rapport aux clarifications qui doivent être données, hein, et ben c'est sûr qu'il n'y aura pas de distinction entre elle et les autres mosquées. Donc si tu dis, on ne veut pas expliquer aux gens la vérité de l'islam parce qu'ils vont fermer la mosquée, donc on ne va pas parler de la hijra, on ne va pas parler de l'obligation pour les musulmans de faire la hijra, on ne va pas dire aux musulmans, c'est haram pour vous de prendre la citoyenneté canadienne, que vous devez, si vous n'êtes pas capable de pratiquer votre religion ici, vous devez retourner dans vos pays, hein? Vous n'avez pas d'excuse pour rester ici. Eh bien, si tous les gens de Bédaa, ils ont basé leur da'wa ici au Canada, ou en Amérique, ou en Europe, sur le fait que c'est halal, c'est permis 100%, c'est comme un pays musulman ici, il n'y a pas de problème, ici c'est la terre de l'islam. Et les pays musulmans, c'est pas bon, ça vaut pas la peine. Tandis que nous, on a expliqué aux musulmans les principes et les règles que le Coran nous explique, et la Sunna, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là, qu'est-ce que les ulama de l'islam ont dit depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelque chose de nouveau, ça vient des grands savants de l'islam à travers les siècles. Et jusqu'à aujourd'hui, la même chose. Donc c'est pour faire comprendre que si tu vas dire, on va pas dire ça aux musulmans parce que ça va amener des problèmes et qu'on pourra pas faire notre... on va nous fermer la mosquée, des trucs de ce genre. Est-ce que, premièrement, est-ce que c'est vrai qu'ils vont fermer la mosquée? Et est-ce que c'est vrai qu'ils vont brûler la mosquée? Et s'ils la ferment, s'ils la brûlent, on ouvre un autre. Hein? Au moins, ils l'auront fermé pour la vérité. Ce sera une preuve établie, claire, qu'ils ne veulent pas la vérité de l'islam dans les pays de conflit. Hein? Mais là, plutôt que de rester avec une apparence de je ne sais pas quoi, Allahu A'lam. Si c'est juste pour faire ce que les autres mosquées font, ça sert à rien de se dire qu'on va faire une mosquée puis qu'on va soi-disant être salafi, alors que la majorité des gens qui prient dans cette mosquée-là ne sont pas salafis, ou bien ils ne connaissent réellement pas les fondements de la da'wah salafie. Et si tu leur demandes qu'est-ce que c'est la da'wah salafie, ils ne savent pas. Et ils prient tous dans cette mosquée-là qui est supposément salafie. Donc comment elle est salafie si tous les gens qui viennent là-bas, ils ne savent pas. La majorité des gens qui viennent prier sont en jeans. Et puis ils se rasent la barbe. Hein? Quand est-ce qu'ils vont appliquer ce qu'ils savent? s'ils savent pas quand est-ce qu'ils vont l'appliquer justement. Donc, il faut que les gens leur disent que ça c'est telle ou telle chose. Et il y a toujours des raisons, des problèmes, comme on disait. Donc tout ça, ça a rapport avec la crèche, et on va en parler de plus en détail, inchallah, après, soit peut-être demain. Le cheikh dit ensuite, النوع الثالث الخوف الطبيعي الذي هو ليس معه عبادة للمخوف ولا ترك لواجب كأن يخاف الإنسان من العدو أو السبع أو من الحية يخاف الإنسان من أعدائه أو يخاف من السباع أو يخاف من الهوام فهذا الخوف خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان لأنه ليس عبادة وليس تركا لواجب ولا يؤاخذ عليه الإنسان وموسى عليه السلام لما تآمر عليه الملأ ليقتلوه انذر أن يخرج من البلد انذر أن يخرج من البلد فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Le cheikh explique qu'il y a la troisième catégorie de crainte. Et cette crainte-là, c'est une crainte naturelle et elle n'est pas en opposition avec la foi et avec l'islam. Hein? Celui qui a cette crainte-là, il n'est pas, en contradiction avec sa foi. C'est quoi cette crainte-là? C'est la crainte naturelle, qui n'est pas reliée avec une adoration pour la personne que tu crains, et qui n'est pas non plus associée avec le fait d'abandonner ce qui est obligatoire. Et c'est comme par exemple quelqu'un qui a peur d'un ennemi, ou qui a peur de son ennemi, c'est-à-dire physiquement, par rapport au mal qui peut lui arriver par rapport à cet ennemi-là. Un voleur, tu as peur qu'un voleur, quand un voleur il rentre chez toi, ça te fait peur. C'est normal. Tu as peur par exemple qu'un bête sauvage, un chien enragé, un pitbull qui a la rage, ou bien qui hein, les gens qui ont peur des araignées, mais c'est surtout des araignées venimeuses, ou des trucs comme ça qui peuvent te tuer. Si c'est juste des petites araignées, petites, il faut pas avoir ça, elle a plus peur de toi que toi t'as peur d'elle. Ah, Langoustan. Donc, aussi, si quelqu'un a peur d'un serpent, un serpent il rentre chez toi, ou un serpent dans la rue, ça mal, tu vas avoir peur. T'as peur de quelqu'un, qui peut te faire du mal. Donc tout ça c'est normal, c'est des craintes naturelles. Hein? Et donc la crainte naturelle, quelqu'un qui a cette crainte-là, il n'est pas blâmé de cette crainte. Et bien entendu, ça, c'est différent d'une personne à une autre. Il y en a déjà qui sont plus peureux, il y en a déjà qui sont moins peureux par rapport à ces choses naturelles-là. Hein? Mais c'est pas quelque chose qui t'affecte dans ta foi, parce qu'elle n'est pas reliée à l'adoration et elle ne t'amène pas à abandonner ce qui est obligatoire. Hein? Et quand tu l'as cette crainte, ça ne veut pas dire que tu es obligé de l'écouter et de te soumettre à cette crainte. Non, tu peux la combattre, tu peux la repousser cette crainte. Hein? C'est là que tu deviens courageux. Hein? Donc, le cheikh il mentionne l'exemple de Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, lorsque des gens se sont réunis pour le tuer, hein, il y a quelqu'un qui est venu pour l'avertir et pour lui dire que les gens essayaient de se réunir contre lui pour le tuer. Alors, il est parti, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 21 dans le surat al-Qasas, il est parti de la ville et il avait peur, il regardait autour de lui, il avait peur et il regardait autour de lui pour, par crainte que des gens le voient. Hein, et il a dit, ô mon Seigneur, protège-moi ou sauve-moi d'un peuple injuste. Donc c'est pour te dire que même Moussa alayhi salam, qui est un messager d'Allah, il avait peur de se faire attraper par ses ennemis. Mais malgré tout, hein, c'est pas une crainte qui rentre dans la question de la foi ou qui a un rapport avec l'adoration. Non, c'est une crainte qui est uniquement naturelle. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre verset en fait c'est le premier verset qui est mentionné dans ce chapitre. Là on rentre dans l'explication de ce verset là. Le cheikh il dit: ثم أورد الشيخ قوله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه الآية بعد قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصلت وقعة أحد وحصل على المسلمين ما حصل من الابتلاء والامتحان واستشهد من المسلمين من استشهد وانصرف المشركون إلى مكة أرادوا أن يرعبوا المسلمين فأرسلوا إليهم يهددونهم يقولون إننا سنرجع إليكم سنقضي على بقيتكم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يؤثر عليهم هذا التهديد، وأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا، وفيهم الجراح وفيهم التعب بعد المعركة، فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا في مكان يقال له حمراء الأسد ينتظرون المشركين. فلما علم المشركون بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المسلمين أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة، فهربوا من مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم لما صدق المسلمون وصبروا وتوكلوا على الله ولم يؤثر فيهم تهديد هؤلاء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل رجعوا إلى المدينة سالمين غانمين الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. لم يمسسهم سوء أي ما أصابهم ما يكرهون، بل حصلوا على الأجر والثواب واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le Coran ce verset-là que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre. Il a dit c'est uniquement le shaitan qui essaie de vous faire peur hein, par ses alliés. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyant. Et ce verset-là, il vient après la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. C'est un verset qui est précédé des versets suivants. C'est-à-dire ceux qui ont dit, ceux que lorsqu'on leur dit, hein, ceux que lorsque les gens leur disent, les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les, ayez peur. Hein. Il y a des gens qui viennent te voir et disent, attention, ils se sont réunis hein, contre toi, hein, ils vont te faire telle chose. Hein. Eh bien, Allah Subhanahu wa Ta'ala, il décrit le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam et les Sahaba hein, à ce sujet-là. قد جمعوا فخشهم فزادهم إيمانا. Ça augmente leur foi. Quand ils entendent ça, quand ils entendent que des gens disent attention, ils vont te faire mal, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont se réunir contre toi, ça les augmente en foi. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Hein? Et c'est lui le meilleur garant. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alors ils se sont retournés, ils en sont revenus avec une grâce d'Allah et une immense grâce et une immense miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su, aucun mal ne les a touchés et ils ont suivi la wattaba'u ridwan Allah. Ils ont suivi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah est certes le détenteur d'une immense grâce. Et après, Allah il dit juste après ça, le verset dont on parle dans ce chapitre, c'est uniquement le shaitan qui cherche à vous faire peur par ses alliés. Alors ne les craignez pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants. Verset 175 dans le Coran, et les versets, ça dit, et ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah et Allah est détenteur d'une grâce immense. Donc c'est le diable qui essaie de faire peur avec ses fidèles, ceux qui les suivent, ceux qui suivent le diable. Donc c'est ça l'explication. Et pour le contexte de la révélation de ce verset-là, c'est quoi? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été frappés, hein, ils ont eu la bataille de Uhud, ils ont eu une défaite, d'accord, ils ont eu une défaite et il y a beaucoup de gens qui sont morts dans cette bataille-là, il y a eu une épreuve, donc Allah les a testés lors de cette bataille-là et il y a eu parmi les musulmans certains qui ont été shahid, ils ont été tués, ils ont été des martyrs dans cette bataille et les mushrikoun se sont retournés à Mecca et ils ont voulu faire peur aux musulmans. Alors ils ont envoyé des gens pour menacer les musulmans et pour dire aux musulmans on va revenir pour vous et on va tuer le reste d'entre vous, c'est-à-dire on va revenir pour terminer le reste des musulmans qu'on n'a pas tués dans cette bataille-là. Alors lorsque cette nouvelle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux musulmans, ils ont répondu, ils les ont dit, comme c'est écrit dans le verset 173, حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Hein? Alors, cette menace des koufars n'a eu aucun effet sur eux. Hein? Ils n'ont pas eu peur. Hein? Ils ont pris Allah comme garant. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons sont sortis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de sortir. Alors il a amené avec lui ceux qui étaient blessés, hein, il a ramené avec lui les blessés, et tout le monde, hein, malgré qu'ils avaient été épuisés par cette bataille qu'ils avaient perdue et tout, ils sont sortis quand même avec leurs blessures et toute leur fatigue et tout, et ils sont allés en se dépêchant et en se précipitant, ils sont partis avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont rendus à un endroit qu'on appelle Hamra al-Asad et ils attendaient les mushrikins. Quand les mouchriquins ont entendu que le prophète Mohammed est sorti avec ses compagnons pour les affronter, ils ont eu peur. Ils ont dit, les mouchriquins ont dit, ah, si le prophète Mohammed est sorti avec les musulmans pour nous affronter, ça veut dire qu'ils ont de la force. Ils ont une force avec eux. Et donc, ils ont eu peur, ils sont restés, ils sont retournés, ils se sont enfuis à Mecca. Hein, et Allah a jeté l'effroi dans leur cœur. Hein, Allah a jeté l'effroi dans leur cœur et les musulmans donc sont restés fermes et ils ont été endurants et ils ont mis leur confiance en Allah et les menaces des koufars n'ont eu aucun impact contre eux. Alors ils s'en sont revenus, hein, les musulmans sont revenus à Médine en toute sécurité, ils n'ont pas été atteints d'aucun mal et en plus ils ont eu un butin. Et ils ont en plus eu la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et aucun mal, hein, ne les a atteints. Au contraire, même ils ont été récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir obéi et suivi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est l'exemple de l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le cheikh il dit, parce qu'il y en a qui des fois qui disent quand t'arrive un mal, parce que tu t'es tenu sur la vérité, eh bien, il y en a qui viennent te voir et qui disent, hein, on t'avait dit, on t'avait averti, hein, de ne pas faire ça, hein, tu vois, mais là, qu'est-ce qui t'arrive? Parce que eux, ils pensent que ça, c'est quelque chose de mal pour toi. Ils ne réalisent pas que ça, en réalité, c'est la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui s'accomplit. Donc, le cheikh dit, ثم قال تعالى, إنما ذلكم الشيطان. أي الذي حصل من المشركين من التهديد إنما هو من الشيطان المراد بالشيطان إبليس اللعين الذي هو رأس الكفر. C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous atteint ou qu'est-ce que cette menace et cette peur, ça vient uniquement du shaitan. C'est le shaitan qui fait agir ses fidèles et ses pions. Hein, il bouge ses pions pour essayer de vous faire peur et il vous envoie des menaces, hein, avec les aujourd'hui ils utilisent toutes sortes de moyens et j'ai réalisé que la façon comment ils ont réussi à casser les musulmans ou à casser certains musulmans, ça veut dire quand je dis les casser, dans le sens, casser dans leur dignité, dans leur honneur, dans leur fierté, ils ont réussi à faire ça par la peur et par les médias. Parce que quand tu regardes en Europe et quand tu regardes ici, c'est avec les médias qu'ils ont frappé les musulmans. Depuis le début de tout ce qui se passe avec le hijab et qu'est-ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est à coup de reportages, puis à coup d'émissions, puis à coup de nouvelles contre l'islam, contre les musulmans, c'est coup par coup après les magazines, hein, et tous ces journaux et toutes ces choses-là qui sont écrites, des choses qui diffusent des choses contre les musulmans et contre l'islam, et c'est coup après coup après coup qui frappe sur le moral et sur les nerfs des musulmans et sur l'honneur des musulmans, et que à la longue les musulmans de plus en plus commencent à baisser la tête, commencent à baisser les bras et commencent à dire ah, de toute façon ça y est, on peut rien faire, on est foutu, hein. Et ça, c'est grave d'avoir cette attitude là parce que eux, les koufars, c'est ce qu'ils veulent. Ils utilisent les médias maintenant pour frapper les musulmans, puis pour faire peur aux musulmans. Mais ils ne peuvent rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, la yazoukum illa aza. C'est-à-dire, ils vont juste arriver à vous faire de la nuisance avec leur bouche, avec leurs paroles. إِنْ يَفْقَهُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Ils veulent vous faire du tort avec leur bouche, avec leurs mains, ils disent des choses contre vous, ils vont vous essayer de vous amener à la mécréance. C'est ça ce qu'ils veulent. À la fin, ils veulent que vous soyez des koufars comme eux. Oui, ça se voit, et ils vont tout faire pour arriver à ça. Soit quitter le pays, mais c'est pas suffisant juste de quitter le pays, parce que maintenant c'est rendu que la propagande, elle est partout, et donc il faut que les musulmans s'arment de science, et qu'il faut que chaque musulman participe à cet effort d'éducation. De da'wah, de diffusion de la science, de diffusion de la connaissance, et de faire des efforts pour faire en sorte que, disons, les musulmans comprennent leur religion et l'apprennent, et qu'ils reviennent avec l'honneur et la fierté qu'ils ont perdu, dans le sens de comprendre les bases de leur religion et comprendre tout ce qui est en train de se passer. Il y en a beaucoup de musulmans qui ont pas de connaissance des bases de la religion musulmane, et qui ont perdu justement la bonne orientation par rapport à l'islam. Et là, tu les vois maintenant qui sont en train de baisser les bras, ils veulent s'intégrer maintenant à la société de Kufr. Il y en a beaucoup qui disent ça maintenant parmi les musulmans. « Ah, on veut pas de problème, nous, on vient ici, c'est pas notre pays, donc ça y est, on veut s'intégrer. » Ils vont pas dire « Non, nous, on est des musulmans, et on va rester pour faire ce qu'on a à faire pendant un certain temps, sans rentrer dans le haram, sans faire ce qui est haram, et puis on va retourner dans nos pays, on doit faire la hijra, ou bien on doit quitter. » Maintenant, non. Non, ça y est, on est des Canadiens, on est des Français, on est des ci, des ça, on reste ici, on s'intègre, on vit comme les gens. Puis on veut rien savoir des problèmes, on veut pas avoir de problèmes et des ennuis. Ils sont même prêts maintenant à s'assimiler. Ouais, des vrais problèmes. Il les a expulsés. Oui, c'est vrai. Ouais, maintenant il les expulse. Ouais, si tu critiques le pays, tu sors. Donc ça, c'est maintenant, c'est devenu clair là, qu'ils veulent rien savoir de toute personne qui va essayer de faire conscientiser les musulmans. Puis la façon dont j'ai vu certains musulmans qui veulent se montrer modérés et tout. Ils essaient de montrer, il y a trois groupes, il y a trois attitudes face à la société de Kufr. Il y a l'attitude de ceux qui disent non, on veut pas s'intégrer, on veut pas se mélanger, on n'a rien à voir avec ces gens-là, ils veulent se séparer complètement. Ils veulent vivre dans un ghetto, hein, c'est leur exemple. Et il dit ça, c'est une minorité, un petit groupe radical. Il y a l'autre extrême qui disent nous on veut pas, on veut être comme ici, vivre comme les gens d'ici. Puis ça aussi c'est une autre petite minorité, soi-disant, qui veulent fondre complètement dans la société. Puis il y a le groupe au, juste au milieu, comme nous, hein, ils disent que nous on veut, en se basant sur le fait que on veut comprendre notre contexte, le milieu dans lequel on vit, selon nos principes et les adapter, hein, et essayer de vivre en harmonie ici, en étant des bons citoyens, etc., etc. Et ça, c'est la caricature qui est présente à l'extérieur aux non-musulmans pour, et aux musulmans aussi pour leur faire croire qu'ils ont la position de modération, hein, et qu'ils sont juste au milieu. Donc, ils font une caricature du premier groupe, qui est une caricature vraiment exagérée, et ils minimisent l'importance du troisième groupe, du deuxième groupe, celui qui est soi-disant intégré, puis qui veut s'assimiler, qui veut rentrer complètement dans la société, alors que c'est la majorité. La plupart des musulmans, ils ont fondu ici dans, dans cette société-là, ils sont loin de la mosquée, loin des musulmans. Et il y a le groupe qui est soi-disant le groupe du juste milieu, et qui est ceux qui représentent, là, comme certains, comme Présence musulmane et Astrolabe et Tariq Ramadan, c'est ça, sa dawa et tout, qui disent qu'eux, ils veulent essayer d'adapter l'islam à la société où ils sont, puis il faut vivre en harmonie, etc. Eh ben, ces idées-là, c'est encore plus grave, plus dangereux, parce que ils sont en train de dire maintenant que ces principes de kufr, des koufars, la laïcité, l'égalité, la droite de l'homme, la liberté, tout ça, sont des principes islamiques. Et ils essaient de faire croire ça aux musulmans. Et ils essaient de faire croire que ceux qui disent que non, ces choses-là, c'est contraire à l'islam, ceux-là sont des gens qui veulent faire un ghetto, qui veulent juste être entre eux, puis etc., etc. Alors que c'est pas vrai. Hein? Ça non plus. Hein? Il y a des règles, il y a des principes à respecter, et que nous, on dit aux musulmans, qu'est-ce que Allah a dit, qu'est-ce que le messager a dit, et qu'est-ce que les ulama ont expliqué de l'islam, hein. Et c'est sûr que les musulmans, ils doivent vivre entre eux et s'adresser à eux, entre eux. Ils doivent pouvoir, quand on parle aux musulmans, on doit être capable de dire aux musulmans, voici ce que Allah a dit, voici ce que le messager a dit. Et nous sommes des musulmans, nous sommes des frères. Donc il faut que les musulmans puissent se réunir entre eux, puis s'éduquer dans leur religion. Et pour faire conscientiser les musulmans qu'on n'est pas des koufars, on n'est pas des mouchilkins, on n'est pas des gens qui sont en dehors de l'islam, on est dans l'islam. Donc si on est des musulmans, il faut s'adresser aux musulmans dans les termes que Allah nous a ordonné d'utiliser. Et donc il faut qu'il y ait une distinction entre les mouminés et les koufars. Il faut appliquer les principes que Allah nous a ordonné d'appliquer, de al-wala al-bara et de tous les autres principes qui font partie des principes de la base de l'islam. Hein? Donc, ceux qui veulent dire non, il ne faut pas faire distinction, on veut un nous inclusif, hein? C'est-à-dire que, faut pas dire eux et nous, il faut dire eux les koufars et nous les musulmans, il faut pas dire ça, puis il faut pas dire koufars non plus, il faut juste dire nous ensemble, et ça c'est grave, c'est parce qu'ils veulent nier ou éliminer toute distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Et ça amène à des situations très dangereuses et très graves à la longue. Parce que les musulmans, en particulier les enfants et les jeunes qui vont grandir comme ça, ils vont plus savoir qu'est-ce que c'est leur religion, qu'est-ce que c'est l'islam par la suite. Hein? Ils vont avoir une idée de l'islam vraiment loin de la réalité de ce que ça signifie d'être un musulman. Comme c'est le cas dans les pays musulmans aujourd'hui, que beaucoup de musulmans, ils ignorent la réalité de leur religion. Ben c'est souvent, c'est comme ça aussi dans certains pays musulmans. C'est comme tu dis, Ahi, c'est comme tu dis, l'Akhdar. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, dans des cas comme ça, par exemple, là, alhamdoulilah, en Algérie, mashallah, il y a plein de frères maintenant qui sont revenus, qui reviennent de l'Arabie Saoudite, qui ont étudié, qui reviennent du Yémen, qui ont étudié. Et ils font maintenant une da'wah, mashallah, en Algérie, il paraît, d'après ce que j'ai entendu, qu'il y a une da'wah salafie forte maintenant qui s'en vient, petit à petit, allez. Il y a des tulab ilm Il y a des chouyouks, mashallah, qui ils n'ont pas toute la porte ouverte, pas toute la facilité pour faire ce qui, pour enseigner, mais quand même, alhamdoulilah. Ouais, probablement, oui. Mais mashallah, ils écrivent, ils enseignent, ils font leurs dourous et tout. Il y en a qui vont dans d'autres villes plus éloignées et qui font leur da'wa aussi là-bas, mashallah. Petit à petit, ça va revenir. C'est juste qu'il y a beaucoup de soufis là-bas. Maintenant, c'est eux qui ont la porte ouverte. Hein, Tijani et les autres, ouais. C'est eux qui ont pignon sur rue, hein, comme dit notre frère Hassan Abou Asma. Mais bon, c'est ça. Il faut juste savoir que il y a des difficultés dans certains pays musulmans, c'est vrai. Il y a beaucoup de travail à faire pour la da'wah dans ces pays-là, pour que justement les gens puissent apprendre et comprendre comme il faut leur religion. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait sa da'wah du jour au lendemain non plus. Ça a pris des années et des années. Et donc, l'histoire c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des... Hein. Il faut que celui qui veut vraiment comprendre fasse les efforts, aller étudier avec les ulama, revenir enseigner aux gens la religion qu'il a appris, les principes, et enseigner aux autres. Et petit à petit, ça fait des noyaux comme ça, puis c'est de là que, alhamdoulilah, ça se répand à la science, de cette façon-là, inshallah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit, oui, ça c'est le shaytan donc. إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانِ الَّذِي حَصَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ التَّهْدِينَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالْمُرَادُ بِالشَّيْطَانِ إِبْلِيسَ اللَّعِينَ الَّذِي هُوَ رَأْسُ الْكُفْرِ يخوف أولياءه يخوفكم أو بأوليائه من الكفار فالشيطان هو الذي خط هذه الخطة من أجل أن يخوفكم بأوليائه يعني المشركين لأن المشركين أولياء الشيطان كما أن المؤمنين أولياء الرحمن كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc le cheikh dit que ça c'est le shaitan qui essaie de vous faire peur avec ses alliés ou par ses alliés. Il vous envoie ses menaces, il vous envoie ses agents, hein, pour vous faire peur. Et le shaitan ici c'est Iblis, la tête de la mécréance. Et comme je disais tout à l'heure, les médias ils font peur aux musulmans maintenant. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du bruit autour de certaines choses, autour de certaines personnes, pour essayer de faire peur aux musulmans. Puis après, ils essaient de mettre les gens contre cette personne-là, ou contre cette chose-là, comme par exemple, s'il y a un da'ya ou quelqu'un qui appelle à l'islam, au Coran et à la Sunna, et qui explique la vérité, eux ils essaient de faire croire aux gens que c'est pas l'islam, qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce que l'enseigne, c'est pas l'islam, c'est sa propre idée ou sa propre parole à lui, pour essayer de, disons, mettre les gens contre lui, sans comprendre en réalité que c'est contre l'islam qu'ils sont en train de parler, hein. Et ils essaient de faire comprendre, non, on n'est pas contre l'islam, on est juste contre lui, hein. Et contre ce que cette personne-là enseigne, sans clarifier aux gens que ce que cette personne-là enseigne n'est pas en contradiction avec l'islam. Et puis donc, après, ils essaient de mettre la pression sur les groupes de pression, ou sur la population, l'opinion publique, puis après, indirectement, de mettre la pression sur les gens qui sont dans les gouvernements, hein, surtout quand c'est des systèmes comme ici qui marchent avec les votes et les élections. Donc les gens, ils veulent pas perdre des votes. Donc ils vont pas voter pour des choses ou des, vous savez, s'ils savent que les gens sont contre quelque chose, les politiciens, eux, ils vont suivre la voie, qu'est-ce que les gens veulent, hein. C'est comme par exemple aujourd'hui, si tu vois que les gens aujourd'hui sont pour l'homosexualité, il n'y a pas un politicien qui va dire je suis contre l'homosexualité parce qu'il va perdre les élections. Et donc ils se basent pas sur qu'est-ce que la vérité dit, ils se basent sur ce que les gens veulent. Et la télé manipule l'opinion publique, hein, d'une certaine façon, et donc ils arrivent à contrôler les politiciens, contrôler beaucoup de choses comme ça indirectement. Et donc c'est très grave. Et le cheikh il dit donc, يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ أَيْ يُخَوِّفُكُمْ بِأَوْلِيَاءِهِ مِنَ الْكُفَّارِ فَالشَّيْطَانُ هُوَ الَّذِي خَطَّ هَذِهِ الْخِطَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُخَوِّفَكُمْ بِأَوْلِيَائِهِ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ لِأَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَوْلِيَاءُ الشَّيْطَانِ كما أن المؤمنين أولياء الرحمن كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فسد أو فرقار par ses alliés le شيطان il utilise ses alliés parmi les kuffar pour faire peur aux croyants et le شيطان c'est lui qui détient le plan pour les kuffar. Il dessine le plan pour les koufars, que les koufars doivent suivre pour faire peur aux croyants. D'accord? Donc pour faire peur aux croyants, et les alliés du shaitan, c'est les mouchriquins et les koufars. Et les amis mouchriquins, les koufars et les mouchriquins sont les alliés du shaitan, tandis que les croyants sont les alliés de Ar-Rahman, c'est-à-dire les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit dans le verset 257 dans Sourate Al-Baqarah, Allah est l'allié des croyants, le protecteur des croyants. Il les fait sortir de l'obscurité, des ténèbres, vers la lumière. Tandis que les mécréants, leurs alliés sont les diables, les tawarites. Ils les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les compagnons de l'enfer et ils y demeureront éternellement. Ensuite, le cheikh dit, فَمَعْنَا قَوْلِهِ تعالى يخوفكم أولياءه أي يخوفكم أيها المسلمون بأوليائه من الكفار ثم قال فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فلا تخافوا من الكفار بل توكلوا على الله وخافوا من الله وفي الأثر من خاف الله خافه كل شيء ومن خاف غير الله أخافه من كل شيء لشيخ الزين que la signification de la parole d'Allah, il vous fait peur par ses alliés, ça veut dire il vous fait peur par ses alliés, il essaie de faire peur à vous les musulmans, par ses alliés, des koufars comme on a dit tout à l'heure, et Allah il dit par la suite, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes réellement croyants, c'est-à-dire ne craignez pas les koufars, mettez votre confiance à Allah, et craignez Allah, c'est mieux. Et dans le verset, la parole qui est rapportée, une citation qui est rapportée qui dit, celui qui craint Allah, eh bien, tout va le craindre. Allah va faire en sorte que toutes les créatures vont le craindre, ou tout le monde va avoir peur de lui. Tandis que celui qui craint d'autre que Allah, qui a peur d'autre que Allah, il aura peur de toute chose. Hein? Celui qui craint autre que Allah, il aura peur de tout. Tandis que celui qui craint uniquement Allah, tout aura peur de lui. Hein? Ça, c'est une citation comme ça que le cheikh a mentionné. فلا تخافوهم وهذا نهي من الله عن خوف أولياء الشيطان ثم أمر بخوفه وحده سبحانه وتعالى ومن خاف الله فإن الله يكفيه ويعينه وينصره بخلاف العكس من خاف غير الله وترك طاعة الله من أجل خوف الناس فإن الله يسلط عليه فالواجب على المسلمين الصادقين بإيمانهم أن لا يخافوا إلا الله سبحانه وتعالى وأن لا يخافوا من أعدائهم بل يخافون من ربهم ويخافون من ذنوبهم أما الكفار وغيرهم فإنهم عبيد ونواصيهم بيد الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسلطهم وهو الذي يكفهم فنحن لا نخاف من الكفار وإنما نخاف من الله ونخاف من عواقب الذنوب فإذا خفنا الله وأصلحنا أعمالنا فإن أحدا لن يضرنا إلا بإذن الله الشيخ الزي donc que celui qui craint Allah سبحانه وتعالى on doit pas craindre autre que Allah, on doit craindre Allah seul. Et celui qui craint Allah, Allah va lui souffler, Allah va l'aider et Allah va lui donner la victoire. Contrairement à celui qui craint d'autre que Allah et qui abandonne l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de la crainte des gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va faire en sorte qu'il va être, c'est-à-dire Allah il va mettre ces gens-là de qui il a peur au-dessus de lui. C'est-à-dire, si tu as peur des gens, Allah va mettre ces gens-là sur toi, au-dessus de toi. Et si tu as peur d'Allah, et tu l'obéis, Allah va te donner avec toi sur eux. Mais si tu as peur des hommes, et tu abandonnes l'ordre d'Allah par crainte des hommes, Allah va les mettre, va leur donner le pouvoir sur toi. C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est obligatoire pour les musulmans sincères, qui sont sincères dans leur foi, de ne craindre personne excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas craindre ses ennemis, mais de craindre leur Seigneur, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et de craindre leurs péchés. Hein? Mais les kuffars, eux, sont des serviteurs, sont des esclaves, comme nous. On est tous des créatures d'Allah soumises. Hein? Et Allah, il tient leur toupet. Hein? Il les tient par le toupet, comme il tient toutes les créatures dans sa main. De la même façon. Et donc, c'est lui qui a le pouvoir sur eux tous, sur nous et sur eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de les arrêter. Donc on ne doit pas craindre le kuffar, on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit craindre les conséquences mauvaises de nos péchés. Et donc si on a crainte, si on a peur d'Allah et qu'on corrige nos actions et nos œuvres, eh ben personne ne pourra nous faire du tort, excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يخافون من شر الكفار ويتركون الأخذ بالأسباب الواقية بل عليهم أن يستعدوا بالسلاح والقوة والعدة التي يرهبون بها عدو الله وعدوهم قال تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأمر الله سبحانه وتعالى في صلاة الخوف أن يحملوا معهم السلاح وهم في الصلاة من أجل أن يدافعوا عن أنفسهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وليأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم وود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة قال تعالى خذوا حذركم فالحذر وإعداد العدة للعدو أمر مطلوب وإنما الممنوع أن نخافهم الخوف الذي يمنعنا من الجهاد في سبيل الله ومن إعداد العدة من الدعوة ومن الدعوة إلى الله وهذا هو الممنوع والشاهد من الآية فلا تخافوهم وخافوني ونهى عن خوف الكفار وأولياء الشيطان وخوفا من يمنع من الدعوة والجهاد في سبيل الله والقيام بواجبات الدين وأمر بخوفه فدل على أن الخوف عبادة عظيمة يجب أن تخلص لله. Donc on va s'arrêter ici, on va expliquer ce passage là pour terminer, puis on va s'arrêter ici. Le cheikh il dit ici pour terminer, le fait qu'on dit qu'on ne doit pas craindre les koufars, ça ne veut pas dire que on ne doit pas craindre du mal que les koufars peuvent faire, absolument. C'est-à-dire il y a un mal naturel qu'ils peuvent nous faire. Le mal physique réel qu'il pourrait nous faire, hein, et donc dans ce cas-là, il faut quand même prendre les moyens nécessaires pour arriver à se protéger contre ce mal-là. Et le cheikh il donne un exemple en disant que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné dans le Coran de préparer une force, hein, et des armes pour opposer les kuffars. Et bien entendu, quand on parle de préparer une force et d'opposer les armes contre les kuffars, ça c'est quelque chose qui s'adresse bien entendu aux états musulmans de se préparer pour, disons, que les musulmans aient une force suffisante pour qu'ils n'aient pas à subir les pressions et les oppositions des pays de kofre. Et si les musulmans, dans les pays musulmans, ont une force militaire assez grande, ben automatiquement les kuffars vont avoir peur, ils vont les respecter, ils vont pas pouvoir faire ou imposer aux musulmans des lignes ou des programmes ou des systèmes que les musulmans ne veulent pas accepter parce que c'est contraire à leur religion. Tandis que si les musulmans n'ont pas de force, n'ont pas de puissance militaire ou autre, Et ben, dans ce cas-là, les koufars se permettent par la suite de jouer avec les musulmans et de leur imposer des choses qui sont contraires à leur religion. Et l'islam, c'est une religion de la force. Hein, et les koufars ne respectent, hein, comme on dit souvent, hein, la force ne respecte que la force. Hein. Et donc c'est pour ça. Si quelqu'un, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran de préparer notre force. Pour mettre la crainte dans le cœur des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala et des ennemis des musulmans. Il mentionne le verset 60 dans Surat Al-Anfal qui dit « Et préparez contre eux ce que vous êtes capable de puissance, de force et de chevaux pour mettre la crainte en les ennemis d'Allah et en vos ennemis. » Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne même dans la prière de la crainte, dans le verset 102, dans Surat Al-Nisa, dans Surat Al-Nisa, le verset 102, il dit « Et lorsque tu te trouves parmi eux et que tu les diriges dans la salat, qu'un groupe d'entre eux se mette debout en ta compagnie en gardant leurs armes. Puis lorsqu'ils ont terminé la prosternation, qu'ils passent derrière vous et que vienne l'autre groupe, ceux qui n'ont pas encore fait la salat. À ceux-ci alors d'accomplir la salat avec toi, prenant leurs précautions et leurs armes. Les mécréants aimeraient vous voir négliger vos armes et vos bagages, afin de tomber sur vous en une seule masse. » Donc c'est un exemple que le cheikh mentionne pour faire comprendre que les musulmans ils doivent prendre leurs précautions et préparer leurs forces, d'accord. Et on doit pas, ça ne veut pas dire que dans le sens qu'on ne doit pas craindre des koufars, ça ne veut pas dire que non plus on ne fait rien pour se préparer non plus à la force, non, au contraire, on met notre confiance en Allah, mais en même temps on prend les moyens nécessaires que Allah nous a ordonné de prendre pour se protéger, puis pour défendre la vérité également. Et bien entendu, il faut comprendre le contexte de ces versets-là, puis pas penser que c'est permis pour un musulman de sortir avec une arme dehors, dans la rue, puis de, disons, soi-disant, je me prépare, alors je sors avec une arme dans la rue contre les koufars, les mouchriquins. Non, ça c'est pas permis. Hein? Ça c'est pas permis. Il faut mettre les choses dans leur contexte et dans leur perspective. Ça c'est, bien entendu, c'est dans un cas où les dirigeants musulmans ont pris les initiatives pour établir une force militaire dans leur pays respectif, et en même temps, c'est lorsqu'il y a une guerre et que les soldats sont armés, et non pas des groupes qui s'organisent indépendamment du gouvernement, puis qui décident que c'est eux qui vont se préparer à la guerre, hein, puis décider qui ils ne vont pas attaquer ou qui ils vont attaquer indépendamment du pouvoir politique, etc. Ça, c'est les groupes de Khawarij qui ont cette notion-là aujourd'hui et qui appellent au terrorisme et à l'extrémisme. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec, bien entendu, avec la bonne compréhension de l'islam qui est basée sur le Coran et la Sunna et la voie des salafs salih. Donc, le cheikh dit donc que qu'est-ce qui est interdit dans la crainte des koufars? C'est la crainte qui nous empêche de faire le djihad, de lutter dans le chemin d'Allah et de se préparer dans la force, pour de préparer notre force et également de faire la da'wah. Ça c'est une crainte qui est interdite si ça nous empêche de faire ces choses-là. Et donc le point important dans ce verset-là que le cheikh a voulu mentionner, c'est le verset, la partie du verset où Allah dit « Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyants », c'est-à-dire Allah nous interdit de craindre les koufars et les alliés du shaitan d'une façon qui nous empêche de faire la da'wah et de lutter dans le chemin d'Allah et d'établir ce qui est obligatoire pour nous dans notre religion, et un ordre de sa part pour nous demander de le craindre. Donc ça nous montre que la crainte fait partie de l'adoration d'Allah et que c'est une des grandes formes d'adoration et qu'il faut qu'elle soit purement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein. C'est comme par exemple le hijab. Ils essaient de faire peur aux filles musulmanes qui veulent porter le hijab et aux musulmans parce qu'ils portent le hijab. Eh bien, il ne faut pas que les musulmans aient peur des koufars dans ces choses-là et dire ah, on va pas mettre le hijab parce qu'on a peur des koufars et on va avoir des problèmes ou des choses comme ça. Il ne faut pas que la peur des koufars t'empêche d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrête ici, inshallah, puis on continuera ça demain. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.